besoin de deux dans la suite. La lame s'est déclenchée, mon salut jamais dans la fuite. Avant de m'éteindre pour me débrancher, j'aime le parfum qu'elle met tout le temps. J'ai bien son déhanché, je vais créer une appli pour la nuit. Qu'est-ce que l'auto-financé? Besoin de deux dans la suite. La lame s'est déclenchée, mon salut jamais dans la fuite. Avant de m'éteindre pour me débrancher, j'aime le parfum qu'elle met tout le temps. J'ai bien son déhanché, je vais créer une appli pour la nuit. Qu'est-ce que l'auto-financé? Je vais arrêter de jacter, 1, 2, 3 parties. Y'a des boucaves dans la part, on va devoir les attacher, les tarter. Les mecs du puits sont des sorties, fallait pas nous laisser sortir. Ça sent la hache et la bœuf, ça vient du S et du E. Bâtiment 4 et le 2, ah balèze. Le négro est balèze, la meur est balèze, le chargeur est balèze. Le renoi est mauvais, le rose est mauvais, la bagarre en challenge. La bonbonne est déblain, le genre est déblain, le produit n'est pas l'aise. Juste un faux pas, et je fais le tyran de Thalès. Fais la marque sur le visage, hey. Les mecs de la cité n'oublient pas, oh. La vie du break a des idoles. On va tout au financer, mais jamais être fiancé. On va s'en battant dans les roues, j'arrive plus à avancer. Rejoins le dos dans la suite, la lame s'est déclenchée. Mon salut jamais dans la fuite, avant de m'éteindre pour me débrancher. J'aime le parfum qu'elle met tout le temps, j'ai bien son déhanché. Je vais créer une appli pour la nuit, qu'est-ce que l'auto-financé? Rejoins le dos dans la suite, la lame s'est déclenchée. Mon salut jamais dans la fuite, avant de m'éteindre pour me débrancher. J'aime le parfum qu'elle met tout le temps, j'ai bien son déhanché. Je vais créer une appli pour la nuit, qu'est-ce que l'auto-financé? J'aime le parfum qu'elle met tout le temps, donc tu mets ça, mais je l'embrasse pas. Si tu fais trop de boucan, patata, on n'en parle pas. Elle a un doigt dans le cul, le film a à peine commencé. Ici tout est vrai, ma gueule, c'est juste un peu romancé. J'suis confiné comme un enterre, comme un rifle, comme un type. Ils m'ont sauté mon ID, le billet, l'oiseau bleu. J'avais 5 millions de followers, c'était ma vie d'avant. Célibataire, je suis single de diamant. J'fais des petits pas, j'fais des petits pas. Petit à petit j'investis. Mon avocat porte la kippa. 2 heures tardave et je signe. Ce que je ne dis pas, ne me le dis pas. T'as cru que j'étais imbécile. Tu parles sur moi dès que je dis pas. Gros, j'vais te mettre des pénalties.